Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Tech Café. C'est l'épisode 239 qu'on enregistre le 12 août 2021. Alors on continue un petit peu sur les formats estivaux et inhabituels avec un rythme un petit peu différent. Vous n'avez pas forcément les mêmes voix que d'habitude, mais c'est aussi l'occasion de faire des découvertes et des rencontres. Je suis toujours, moi, Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et j'accueille pour cet épisode une personne que vous connaissez peut-être en vidéo, que vous n'avez pas eu l'occasion encore, je crois, d'entendre en podcast, donc pour la première fois, et c'est Brandon le Proctor. Salut Brandon. Salut, ça va ? Ça va très bien, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bah ouais, merci à toi pour l'invitation, d'ailleurs ça fait vraiment plaisir que tu aies pensé à moi. C'est vrai que c'est la toute première fois que je fais un podcast, et quand tu m'as proposé, j'étais vraiment très très chaud pour découvrir ce format avec toi. Eh ben écoute, c'est un immense plaisir, et tu sais quoi, j'entreaperçois dans ma boule de cristal que ce sera pas le dernier épisode dans lequel tu feras du podcast. Alors avec moi ou sans moi, j'en sais rien, mais je sens que ça va te plaire et que tu vas avoir envie d'explorer ça plus largement. On en reparlera, ouais, on verra à l'avenir. On verra. Alors le format de l'épisode aujourd'hui est un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude, parce qu'on va beaucoup échanger avec toi sur qui tu es, pour ceux qui te connaîtraient pas, et puis parler un petit peu de production vidéo, de ton équipement, ce que tu as l'habitude d'ailleurs là aussi de dire en vidéo, ton équipement à titre individuel, même ce que tu utilises peut-être pour faire fonctionner ta chaîne YouTube. On va parler peut-être un tout petit peu de domotique aussi, et puis on va parler dans une seconde rubrique de quelques news qu'il faut pas rater. Alors c'est vrai que la période estivale est pas forcément propice à avoir des avalanches d'informations tech particulièrement importantes, mais on a quand même deux jolis sujets. Un qui concerne Apple avec des mécanismes qui sont assez controversés pour lutter contre la pédopornographie. Il y a eu un traitement médiatique catastrophique, médiatique j'entends à la fois en podcast, en blog, en site d'actu, je trouve catastrophique, et je pense que c'est bien aussi de remettre les choses dans leur contexte et de réexpliquer les bases, donc on en parlera ensemble. Et puis surtout, c'est impossible de faire ça sans toi dans cet épisode, Brandon, c'est que tu as eu en main en avant-première les Samsung Galaxy Z Flip et Z Fold, tu as fait d'ailleurs une vidéo de prise en main. Alors forcément, on va revenir sur ces appareils tout à l'heure ensemble. Ça marche, ça me va comme excellent. Petit sommaire. Excellent. Vous nous direz d'ailleurs, vous me direz sur techcafé.fr ou sur les réseaux sociaux si jamais le format comme ça de temps en temps vous convient. Moi, je sens qu'on va passer un excellent moment. On va commencer par essayer d'en savoir un petit peu plus sur qui tu es derrière ce pseudo Brandon. Peut-être pour décrire, tu as une chaîne YouTube, vous retrouvez en tapant Brandon le Proctor. Une chaîne YouTube, voilà, axée sur la tech. Et tu parles beaucoup, et c'est un truc, moi, qui me plaît beaucoup, des usages. Je sais que tu travailles aussi un petit peu avec les équipes de Frandroid qu'on connaît bien sur Tech Café. En quelques mots, est-ce que tu peux nous dire tout simplement qui tu es, Brandon ? Bien sûr. Je suis le petit garçon qui jouait beaucoup aux jeux vidéo et qui aimait beaucoup les téléphones portables. Donc c'est vrai que dans ce sens, je me suis dirigé vers la tech sur YouTube, plus particulièrement sur les smartphones, mais c'est vrai que j'essaye de un petit peu me diversifier à ce niveau-là, mais voilà, c'est de la tech, c'est une passion. Ce que j'essaye toujours, comme tu l'as dit, dans mes vidéos, c'est de mettre en avant les usages avant la fiche technique, parce que c'est important. Il faut que les potentiels acheteurs, ou du moins potentiels consommateurs, aient un avis neutre, donc que ce soit pas influencé par un quelconque favoritisme, mais aussi un avis personnel avec lequel ils pourront se projeter. Donc moi, je suis cette personne là comme tu l'as dit, qui teste un petit peu en avance les produits, pour que quand le produit est annoncé ou quand il sort, eh bien que les gens aient un avis neutre, pertinent, et qu'ils aient envie d'acheter le produit ou pas s'il est mauvais. Ouais, c'est marrant que tu dis ça, parce que en fait, je trouve qu'il y a des vrais parallèles à faire sur les discussions qu'on a autour du journalisme. J'en ai déjà parlé avec Kassim, qui est de fille d'ailleurs. On a parfois cette vision du journalisme qui se doit être très neutre, tu vois, qui doit pas prendre parti pour quelques thèmes ou quelques sujets que ce soit. Et en fait, au contraire, je pense que, et lui et moi, et je pense d'ailleurs beaucoup de monde, trouve que le journalisme, c'est effectivement apporter des informations sourcées, factuelles, mais aussi de les apporter sous un regard engagé, essayer de faire passer peut-être des messages. Je crois que c'est aussi ce que tu apportes. D'ailleurs, tu as eu une exploration assez complète. tu n'es pas vissé à une crèmerie, j'ai l'impression, comme on a l'habitude de le voir parfois dans des affrontements d'un autre temps, Android versus Apple. Mais quand même, c'est quoi ton rapport à la tech, justement, et quels sont tes usages aujourd'hui? Bah écoute, je vois toujours les produits tech comme des outils. Alors, certes, on est tous accrochés à des fois à certaines marques parce qu'on a l'habitude, ouais. Parce que on a grandi comme ça, parce que c'est papa, maman à l'époque qui étaient dans ça et qu'on continue un peu comme les banques hein, au final. Souvent, c'est vrai, comme ça. Le parallèle est intéressant. Ouais. mais voilà, on a tous un peu notre paroisse. L'idée quand je suis devenu YouTuber tech, c'était justement de sortir de cette paroisse. Moi, c'était Samsung à l'époque. J'étais très Samsung et donc du coup, moi, j'ai cherché à aller à l'opposé, donc d'abord Apple, ensuite d'autres smartphones Android, d'autres écosystèmes, et aujourd'hui c'est ce qui me permet d'avoir un regard un petit peu, avoir un petit peu de recul par rapport à ça, et pouvoir conseiller les gens de la meilleure des manières, la manière la plus pertinente, de savoir de quoi je parle quand je dis qu'il y a ça quelque part et pas ça quelque part, ou que la marque compte faire ci ou ça pour essayer de concurrencer telle ou telle marque. Je sais que je l'ai testé quelque part, j'ai apprécié ça quelque part, et ça sera toujours, quand je me permets de critiquer quelque chose par rapport à une marque, c'est pas parce que je fais du favoritisme, c'est parce que je sais que la marque est capable de faire mieux et qu'il y a mieux à faire sur certains détails en ayant ce recul sur la tech en général. Ouais, d'ailleurs, tu gardes, je trouve même une certaine objectivité qui doit pas toujours être facile à avoir quand on fait ton métier, quand on s'engage, même quelque part, que même si c'est pas l'objectif premier, tu es, je pense, un influenceur, comme on peut l'être tous dès qu'on prend la parole un petit peu sur Internet, dans différentes c'est ce que j'allais dire. Mais c'est ça, et ça doit être très difficile, en fait, à garder du recul. Et j'ai l'impression que tu le fais. T'hésites pas, je pense que on va en reparler tout à l'heure dans le fond des produits, mais quand t'as la possibilité d'avoir une prise en main en avant-première des nouveaux smartphones Samsung pliants, j'imagine que ça pourrait donner très très envie, parce que tu les as à disposition plus tôt, de dire tout le bien que tu en penses et de pas trop apporter de critiques. J'ai pas l'impression que ce soit ce que tu fais dans les vidéos, j'ai l'impression que t'es objectif. C'est toujours compliqué pour les gens, je parle pas des créateurs de contenu, mais pour les gens, les spectateurs, de comprendre qu'il y a aucun principe de réciprocité. Notre contenu, on peut le faire très bien en retard, acheter les produits nous-mêmes, et voilà, notre chaîne mourra pas, les gens seront contents, ils auront un avis, etc. C'est plutôt les marques qui ont besoin de nous, c'est elles qui ont besoin de visibilité, c'est elles qui ont besoin de faire parler de leurs produits, que ce soit à un lancement ou alors dans la répétition dans le temps, et nous, on sait qu'on est dans cette position de force, donc le principe de réciprocité, il doit pas exister. C'est souvent la remarque qu'on a. Les gens nous disent que si on critique une marque, la marque va pas nous envoyer son téléphone, ou alors on sera plus dans les exclus ou quoi que ce soit. Mais faut pas oublier qu'on a tous commencé quelque part, donc c'est-à-dire avec zéro abonné, qu'on est tous montés et qu'on a fait 100. Donc si on peut continuer de faire 100, on s'en fout, quoi. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, toi, tu te sens pas... Tu peux mentir, d'ailleurs, on verra. Mais tu te sens pas contraint par ton rapport aux marques. Aujourd'hui, encore une fois, une marque te propose un produit en avant-première. T'as totale liberté de souligner les défauts. Bon, j'imagine qu'effectivement, faut garder une forme de soin, et que si le but, c'est de massacrer gratuitement et sans fond les produits qui te sont mis à disposition, c'est problématique. Mais je pense pas que ce soit ton cas. Aujourd'hui, t'as pas cette contrainte, toi. Et est-ce que c'est encadré au travers de contrats de ton côté? Alors, pas du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que on est soumis à aucun contrat, sauf un accord de non-divulgation, forcément, avant la date de lancement. Mais, je fais une petite parenthèse pour dire que Bandod est très pro, hein, pour vous qui nous écoutez, parce que je l'ai eu hier au téléphone, et l'embargo était pas levé autour des appareils Samsung, et pourtant je l'avais au téléphone, il aurait pu me dire des détails, il m'a rien dit, donc vous voyez, vous pouvez lui faire confiance, voilà. Il tient ses NDA et ses engagements. Ah oui, on va pas se faire attaquer en justice. Bien sûr. On va éviter. Non, blague à part, ce que je disais, c'est que justement, du côté des lancements ou quoi que ce soit, on a juste ces fameux NDA, mais derrière, on n'a aucun contrat, si ce n'est qu'un contrat de prêt, par exemple, pour dire vous allez bien nous rendre le produit, oui, et pas vous en aller avec. Mais il n'y a aucun contrat avec les marques à ce niveau-là. Les contrats, ils sont là quand il y a des opérations rémunérées pour dire que l'influenceur va gagner tant et ne pas critiquer au-delà de ce que la marque aura défini. Et c'est là que chaque appréciation, chaque personnage va négocier avec la marque. Il y en a pour qui ça dérange peut-être pas de faire de la pub. Moi, ça me dérange. Ça me dérange. C'est pour ça que je fais pas beaucoup d'ailleurs d'opérations rémunérées. Je fais des opérations que dans des produits dans lesquels je crois et qui me permettent de garder cette authenticité et cette confiance que les gens m'accordent. C'est dur de le faire intelligemment, ce genre de choses, je pense. Alors, Bah, c'est sûr. je pense à Léo Duff, notamment, qu'on a eu à plusieurs reprises dans Tech Café. Moi, je trouve qu'il a une prise de parole, intéressante quand même au global quand il a des contenus, sponsorisés, quand il a des Tout à opérations fait. commerciales. Moi-même, de mon côté, je bosse avec une régie maintenant pour Tech Café et les annonces que vous entendez en pré-roll des épisodes, ce sont des marques, pour lesquelles je peux dire, oui ou non. Alors, il m'est pas arrivé encore de dire non, mais on a cette possibilité-là. Et ça reste très précieux. Et je comprends le soin que tu apportes, en tout cas, à ce type de décision. Ça, c'est sûr. C'est important. C'est important parce que de mon côté déjà, je continue à travailler à côté. Donc c'est ce qui me permet déjà de ne pas être, de ne pas avoir la corde au cou par rapport aux opérations Est-ce qu'on peut rémunérées. se permettre de te demander ce que tu fais à côté? Je bosse dans un média en tant que vidéaste. Je vais pas en parler pour éviter les conflits d'intérêts. Mais voilà, je bosse, je suis dans la vidéo à côté, donc je suis pas très très loin. Et c'est ce qui me permet justement de garder un petit peu cette distance vis-à-vis des marques et me permettre de dire bah non, désolé, c'est pas possible, on fera pas d'opération rémunérée sur ce produit ou ce service ou quoi que ce soit. Alors, j'anticipe un petit peu des questions autour de la gestion de la vidéo en tant que telle, et on en reparlera un tout petit peu tout à l'heure, mais du coup j'en profite, et on sort peut-être un petit peu des sujets purement tech, mais aujourd'hui une chaîne YouTube comme la tienne qui a 200 000 abonnés, je crois de mémoire un petit peu C'est plus de ça. 200 000 abonnés, plus de 200 vidéos qu'on voit assez facilement remonter, en tout cas moi je les vois assez facilement remonter, j'ai l'impression que c'est très apprécié. Aujourd'hui ça te permet pas de vivre en fait YouTube, tu pourrais pas vivre intégralement de ça, c'est des questions que tu te poses, pas Non, encore. si, bien sûr, je pourrais en vivre. J'en parle souvent d'ailleurs dans les FAQ avec enfin les gens me demandent souvent est-ce que tu pourrais te lancer à 100% dans YouTube? Bien sûr, je pense que même avant on peut se lancer. J'ai des collègues qui se sont lancés en dessous des 100 000 abonnés. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Le tout, c'est de savoir ce qu'on va proposer à son audience, ce qu'on va proposer en termes de contenu rémunéré et ce qu'on va proposer en tant que placement de produit. Parce qu'il y a les placements de produits avec les services, on va en parler une minute dans la vidéo et basta, mais il y a aussi les vidéos, les tests rémunérés entre guillemets, que je déteste ce terme parce que c'est pas des tests, mais bon, c'est comme ça que les gens les appellent, donc les tests rémunérés. Et là, forcément, le chèque est plus gros et les gens peuvent facilement s'en sortir, mais des fois au sacrifice de leur crédibilité, ce qui est improbable pour moi. Ouais, et du coup, ça peut poser des maux de ventre et des remises en question assez profondes, j'imagine. Ça paraît Bah anecdotique ouais. comme ça, mais ouais, c'est pas neutre, je C'est pense. important, c'est Ouais, tout à important. fait. Donc oui, en soi, je pourrais vivre de YouTube. Faudrait que je fasse plus d'opérations rémunérées, forcément, mais c'est totalement envisageable quand on a 200 000 abonnés. Ouais. Bon, écoute, ça donnera peut-être des idées à certains de se lancer sur YouTube. J'ai encore l'impression que c'est un peu compliqué maintenant, peut-être, d'émerger sur YouTube. Je trouve. Je Mais trouve. bon. Bon, enfin, après, ça dépend des situations, ça dépend peut-être des thèmes aussi, ça dépend du temps qu'on veut investir. Si jamais on se met à plein temps dessus et qu'on a les possibilités, qu'on a les reins solides, pourquoi pas. Mais se mettre en activité parallèle, secondaire sur YouTube et essayer de faire émerger les choses, je pense qu'il faut être soit très patient, soit extrêmement téméraire en tout cas. C'est ça. Alors, un sujet que tu as abordé assez régulièrement sur les réseaux sociaux, sur ta chaîne, c'est ton matériel. Alors, ça va être difficile de te faire faire une revue exhaustive de tout le matériel que tu utilises, mais je serais quand même assez intéressé pour que tu puisses nous dire, allez, dans les grandes lignes, c'est quoi le matériel tech que tu utilises aujourd'hui à titre perso, pour ton quotidien, pour les jeux vidéo, et puis, qu'est-ce que tu utilises au quotidien pour t'organiser pour ton boulot, à la fois en matière de matériel, de services, d'applications phares. Peut-être quelque part un peu tes coups de cœur en fait dans ton quotidien, de ton stuff. Ouais, tout à fait. Alors, pour la partie vidéo, c'est vrai que moi j'ai eu un gros coup de cœur pour Panasonic. Ouais. J'avais commencé en fait au Lumix G7, donc c'était une petite caméra 4K, pas trop chère. Je me rappelle, c'était une vidéo du YouTuber Steven qui fait un très très bon boulot, qui recommandait cette caméra. Et donc du coup, je me suis dit bon bah pourquoi pas essayer. Ensuite, je suis allé sur le GH5, qui était bonne caméra, avec un tarif un petit peu plus costaud, mais des performances un peu plus costaud. Et là, je suis sur le Lumix S5. Ouais, c'est Lumix S5. Je la reprends. Et là, je suis sur le Lumix S5, donc c'est un full frame. On peut dire que c'est un peu un GH5 en full frame, et j'adore parce qu'il coûte pas cher. Les performances vidéo sont excellentes. La qualité vidéo est excellente, et ça fait toujours plaisir de voir dans les commentaires que les gens ont adoré la qualité d'image de la vidéo. Bah, c'est une Donc ça, c'est signature hein, dans tes vidéos, comme plein de youtubeurs évidemment, mais enfin, moi j'aime bien ce rendu d'image et je pense que ça participe aussi à l'envie de s'abonner à une chaîne et d'aller consulter du contenu exactement. sur ces médias. C'est que tu as un rendu d'image qui est assez dingue. Je me rappelle d'ailleurs que tu avais fait, je crois que c'était sur Instagram, on est parti de là et tu avais filmé chacun de tes appareils. Et en fait, je Ouais, trouvais ouais, ça ouais, super ouais. émouvant de voir les appareils comme ça qui se sont succédés. C'était C'est chouette. ça, c'est ça. Bah c'est vraiment ça. Après, je suis resté chez Pana parce que c'est vrai que sur YouTube, les gens sont plutôt Sony ou Canon, mais c'est tout de suite plus cher. Et quand on commence et qu'on sait pas trop où on veut aller, ou si on a un petit budget serré, comme moi, à l'époque j'étais étudiant, j'avais un petit budget, j'avais un vieux micro-cravate à 20 €, des petites lumières à 40 €, et j'avais tout mis dans la caméra. Je crois qu'elle coûtait 400 ou 500 €. Et bah au final, on se rend compte qu'on peut faire de très belles choses, et peu importe la marque, quoi. Est-ce que tu retiendrais ce même équilibre? Parce que je me rappelle aussi d'avoir vu plusieurs recommandations pour, allez, si vous voulez vous lancer dans la vidéo, qui disaient, assez intuitivement, on va aller s'équiper d'un matériel très performant et assez onéreux en captation, en vidéo, mais on va mettre de côté, oui, t'as raison, le son, l'éclairage. Alors, ça veut pas dire qu'il faut mettre autant d'argent dans tout, mais est-ce que tu referais ces choix-là ou est-ce que tu conseillerais à qui veut se lancer dans la vidéo aujourd'hui de peut-être rééquilibrer et de mettre quand même un peu plus de valeur dans l'éclairage et dans la captation du son? Alors, c'est deux éléments super importants. C'est même très très important dans la vidéo, quand on va faire de la vidéo sérieusement, je veux dire. Mais je pense que j'aurais réitéré la Ouais. même chose. J'aurais gardé ma caméra 4K et j'aurais continué avec mes petites lumières softbox à 40-50 € et le micro-cravate. Parce que déjà, un micro-cravate, en général, c'est près de la bouche. On arrive à avoir un bon son si la salle n'est pas trop grande avec trop d'écho, etc. Donc ça, c'est pas un souci. Si on arrive à choper un petit peu de lumière naturelle et qu'on vient compléter ça avec ces softbox, bah, ça fait très bien le travail. Et au final, on a aussi la bonne qualité d'image en 4K que les gens recherchent. Donc moi, j'aurais gardé ça. C'est sûr, comme j'ai changé de matos aujourd'hui, je peux me le permettre. J'ai des superbes lumières Falcon Eyes et Aputure. J'ai toujours un micro-cravate, mais cette fois-ci sans fil. J'ai aussi un shotgun. Enfin, c'est sûr que quand on a les moyens, on peut se faire un petit peu plus plaisir côté matos. Mais je recommande, et je l'ai recommandé il y a pas longtemps dans une FAQ, ce petit trio, pour moi, même avec un trépied à 20 € d'Amazon Basics, ça fonctionne et on peut faire de très bonnes vidéos. C'est vrai que c'est particulier à la tech. On veut de belles images, on veut du bon son, on veut de belles lumières. Mais C'est sûr. quand on regarde un petit peu plus dans le divertissement, ou même chez les copines ou les copains du make-up, bah des fois on entend juste le micro de la caméra et ça fonctionne très bien, et au final ça, les gens s'en foutent, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais j'aime bien en tout cas ton honnêteté, effectivement, de dire que bah oui, on a envie quand même d'avoir du bon matos vidéo qui fasse des restitutions de belles images. Et puis oui, il y a peut-être des paliers plus importants à franchir au C'est niveau ça. d'une caméra qu'au niveau des autres équipements. Une petite parenthèse avant que tu continues ton panorama d'équipement. Tu es tout seul pour ta chaîne YouTube ou est-ce qu'il y a des personnes qui bossent avec toi? Non, non, je suis tout seul. Je peux Aidé. faire appel à un ami, par exemple, pour un test de voiture, parce que Ouais. forcément, je peux pas me filmer de dehors et C'est rouler en compliqué, même temps. ouais. Donc voilà. Mais sinon, non, je gère tout seul dans mon petit 9 mètres carrés, Bravo. et je suis très content du résultat, et je suis très content que les gens soient contents du résultat. Ça fait Ouais, tu vraiment plaisir. m'étonnes. Bravo. Alors, bah, on va continuer du coup. Alors ça, c'était plus sur le matériel vidéo. Vidéo, c'est ça. De mon côté aussi, enfin pour le PC, j'avais acheté un MacBook Pro 16 pouces, sorti fin 2019. C'était aussi mon passage chez macOS, mais on va en parler un petit peu d'Apple, d'Apple tout à l'heure apparemment. Ouais. Et là en ce moment, je suis en train de regarder pour monter une tour, mais bon, la pénurie, ça aide pas forcément. Et puis sinon, côté divertissement, bah voilà, je me suis fait plaisir. J'ai ma petite PS5, ma petite Xbox Series S et X et la Switch. Du coup, j'ai tout. J'ai tout. C'est vrai que j'ai fait pas mal de sacrifices côté divertissement pendant 5 ans, parce que avec mes études, je savais que j'étais un trop gros geek et que ça allait me bouffer mon temps. Premier degré, c'est vrai. Hein. Non mais je jouais énormément. Je rentrais de l'école, je jouais. C'était source de conflit à la maison avec la maman parce que limite, elle me disait que tu marches trop vite pour aller jouer. Enfin voilà. Donc j'ai mis pause tout ça pendant 5-6 ans, même peut-être 7 ans, je sais plus combien de temps elle a duré la génération PS4 Xbox One, mais c'est celle-là que j'ai sauté. Et donc du coup aujourd'hui, maintenant que j'ai un petit peu plus de temps, je passe un petit peu plus de temps sur la console et ça fait plaisir, surtout que maintenant avec le Game Pass, avec le PlayStation Plus, etc., franchement il y a de quoi faire. Ouais, bien sûr. J'ai mon fils de 9 ans qui est déjà vissé aux jeux vidéo et à la tech. Si seulement il peut avoir ta sagesse au moment clé, c'est tout ce que je lui souhaite. Bon, je m'inquiète pas pour l'instant. Mais... Et du coup, d'ailleurs, au moment des, quand on parle de console, alors c'est souvent dans Tech Café qu'on parle avec parcimonie, mais quand même de cette nouvelle génération de consoles. Moi, j'ai réalisé il y a peu que la PS5 était peut-être une console qui pouvait se conseiller plus facilement à ceux qui, comme moi, pouvaient avoir l'angoisse de ne pas arriver à terminer les jeux, parce que le Game Pass sur Xbox peut engendrer vachement d'angoisse à se dire « Oh là là, il y a plein de jeux » et finalement pas arriver à les terminer. Du coup, avec la PS5, peut-être des expériences plus proches de quelque chose de cinématographique. C'est pas exclusif, hein, mais c'est une tendance. Est-ce que tu conseillerais une PS5 ou une Xbox Series S ou X à quelqu'un en particulier? Quels seraient les critères de choix pour toi? C'est exactement ce que tu as dit. D'un côté, on a le Game Pass, où les gens comme moi qui ont peut-être sauté pas mal de jeux, bah, peuvent se les refaire, mais au final, on les finit pas tous. Perso, ouais. J'ai joué à Star Wars. Bon, Sea of Thieves, c'est un multijoueur, donc il y a pas vraiment de fin. Mais tous ces jeux, Need for Speed, avec le EA Play, il y a beaucoup de jeux. Et au final, je suis pas sûr d'en avoir fini un. Ah ouais, donc, la vache. Donc voilà, c'est vrai que quand tu payes ton abonnement 10 € par mois et que t'as accès à plus de 150 jeux, c'est mon souhait. Tu veux tester plein de trucs, mais au final, tu finis rien. Alors que sur la PS5, j'ai payé mes jeux 70 €, j'ai fini Spider-Man en 1 jour et demi, j'ai fini Ratchet & Clank en 1 jour et demi. Après, FIFA, Call of, etc., c'est du multijoueur. Mais ça aussi, c'est important. Regardez sur quelle plateforme vos potes jouent. Moi, je sais que FIFA, c'est sur PlayStation, donc je peux pas prendre FIFA sur Xbox, même s'il est gratuit dans le Game Pass, encore une fois. Donc c'est exactement ce que t'as dit. D'un côté, on a un petit peu ce jeu de narration très cinématographique, très joli, mais très court côté PS5. Et puis de l'autre, t'as plein de jeux sur Xbox. Et voilà, je pense que forcément le combo parfait, c'est d'avoir les deux. Mais, oui, forcément. forcément. Mais je pense qu'il y a de quoi faire avec... Enfin, de mon côté, je pense que je me dirigerai plus sur la PS5 pour ce côté jeu un petit peu exclusif, narratif, avec un bon scénario et très très sympa. Et puis aussi les potes, parce que historiquement ils sont sur PlayStation, et voilà. si on a comme moi la phobie du back catalogue qu'on n'arrive pas à écouler, il faut se tourner donc vers la PS5, parce que c'est rempli de jeux qu'on termine c'est en ça. Tout cas. C'est ça. Ok, alors du coup, si on continue et peut-être qu'on termine notre petit panorama au niveau des accessoires mobiles, smartphone, équipement audio, etc., tablette, c'est quoi tes équipements? Alors, de mon côté téléphone, je suis sur l'iPhone 12 mini et le Pixel 5. Donc deux formats compacts, même ultra compacts pour l'iPhone 12 mini. Avant ça, justement, j'étais pendant 8 ou 9 mois sur le Galaxy Z Fold 2 que j'avais payé de ma poche. C'est pas Samsung qui me l'a donné. J'avais payé 2020 € Ah la et vache, j'avais, ouais. ouais, ça fait mal. J'avais énormément kiffé. Mais c'est vrai que ça reste un téléphone assez lourd, assez massif. Et au final, quand je sais que la plupart du temps je suis sur mon iPhone, parce que iPhone ça veut dire réseaux sociaux, ça veut dire bonne qualité Instagram, ça veut dire bonne qualité Snapchat, ça veut dire, enfin voilà. Au final, je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de me trimballer avec ça tout le temps? Pourquoi pas repasser sur un format plus compact côté Android? Et c'est ce que j'ai fait avec le Pixel 5 que j'adore. À côté de ça, j'ai un iPad Pro 12,9 pouces. Et j'ai encore mon 11 pouces de l'année dernière. C'est une tablette, enfin c'est la meilleure tablette du marché. Hein. Pour moi, il y a pas de débat. L'interface, elle est vraiment géniale, vraiment pratique. Et puis les accessoires à côté permettent de vraiment pousser la machine à tout faire à son maximum. Et puis sinon, j'ai un HomePod mini. C'est vrai que je suis pas très son. Ouais. Je suis pas tout seul à la maison et je suis encore en appart, donc je peux pas mettre du Ouais. son au maximum. Donc Bien le sûr. HomePod mini, ça me suffit largement dans mon 9 mètres carrés. Je parle de la chambre, hein, j'ai pas en studio. Sinon ma copine elle m'aurait tué pour les vidéos, il y aurait plus de place. Mais voilà, dans le bureau dans la chambre qui me sert de bureau, j'ai ça. Et puis je pense avoir fait le tour. Hein, je Ouais. regarde un petit peu mon bureau et c'est ça. Ouais. Pourquoi t'as un Pixel en plus de l'iPhone? Est-ce que ça veut dire que tu cloisonnes peut-être des contacts pro, des contacts perso, ou est-ce que c'est pour la photo? Alors c'est les deux. Alors Ah, les c'est deux. d'un côté j'ai mon Pixel 5 qui est mon téléphone personnel, donc avec mon numéro perso, et j'ai le côté pro avec l'iPhone 12 mini avec un numéro pro et pour les réseaux sociaux. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le Fold il était très très cool, mais les performances photo elles étaient équivalentes à un S10 donc d'il y a 2 ans à peu près. Ouais. Et derrière moi, quand j'étais sur mon Android, du coup, je pouvais pas trop en profiter de cette partie photo. Et donc du coup, Pixel 5, c'est ce qui correspondait le plus à mes besoins. Donc petit format, super bonne qualité photo et qui tient la route dans la journée avec une bonne autonomie. C'était vraiment les 3 points qui m'intéressaient. Excellent. Extension du panorama, est-ce que tu t'es équipé de services domotiques? Est-ce que tu commandes des choses à la voix ou de manière automatisée chez toi? Alors, je t'avoue que c'est pas quelque chose sur lequel je me suis pensé, pas parce que ça m'intéresse pas, mais bien au contraire, hein, c'est vraiment génial. Mais c'est comme je t'ai dit parce que je suis en appart. Du coup, Ouais. à part quelques Philips Hue, j'ai pas grand-chose pour le moment. J'ai un Nest Hub et le HomePod Mini, forcément pour faire quelques commandes à la voix. Mais voilà, peut-être que quand j'aurai une maison, je me pencherai sur des caméras de surveillance ou des haut-parleurs dans le plafond, ou j'en sais rien. Mais pour le moment, c'est vrai que je veux pas trop trop investir là-dedans. Déjà, c'est du matos à transporter lorsqu'on va déménager. Et puis surtout, j'aimerais faire un truc vraiment très très propre quand je me lancerai dans la domotique. Eh ben, je Pourquoi te toi, comprends complètement. c'est quelque chose que tu as fait chez toi? Alors, oui, j'essaye. Alors, tu vois, j'ai acheté ma maison, moi, l'an dernier. Alors, depuis, je suis dans les travaux. Je suis en train de me faire mon studio. Même aujourd'hui, là, au moment où on se parle, je suis avant et après l'enregistrement à fond dans mes petits travaux. Et effectivement, j'essaye de le penser, mais je comprends complètement, ce frein qui doit être, à mon avis, un des freins principaux à l'adoption massive de technologies domotiques. C'est que forcément, c'est quelque chose qui est un petit peu invasif. On peut changer des ampoules. Encore que, en fait, même changer des ampoules pour s'équiper de Philips Hue, ça implique de revoir quand même un petit peu ses interrupteurs pour que on puisse pas les couper électriquement. On peut installer des thermostats connectés, mais encore faut-il avoir des chaudières et puis pas avoir un propriétaire qui soit trop regardant. On peut installer des prises électriques connectées, mais c'est vrai que c'est assez vite limité. Et je comprends tout à fait ta perception pour l'instant. Je t'invite, par contre, si tu les as pas écoutés, à aller remonter dans le flux du podcast Tech Café. Il y a des épisodes de Tech Café domotique qui sont pas souvent avec moi. J'ai fait que les premiers, mais c'est des petits camarades qui animent cette émission-là et ils parlent vraiment usage domotique. Peut-être qu'il y a des choses qui vont t'intéresser dedans. Totalement, totalement, totalement. Cool, écoute, j'avais anticipé qu'on parlerait un petit peu de création en vidéo, mais j'ai l'impression quand même, et c'était difficile de faire autrement, qu'on en a beaucoup parlé au travers du début de ton portrait, la création en vidéo, est-ce que tu penses qu'on a fait le tour d'ailleurs au travers de nos discussions, ou est-ce qu'il y a des choses que tu voulais souligner? Ta philosophie, je pense que je l'ai bien retenue, t'es un amoureux, et je pense que t'es abonné aussi de belles images, d'images qui se veulent être des regards objectifs sur les sujets et qui soient pas forcément influencé par des campagnes commerciales. Est-ce que tu penses que, encore une fois, l'avenir de la vidéo a de beaux jours devant lui? Est-ce que YouTube est tout autant un facilitateur, mais aussi quelque part un ennemi à la créativité, parce que ça oblige à formater les choses? Je sais pas si tu as une philosophie autour de YouTube que tu voulais partager, ou de la vidéo en général. Non, je pense qu'on a fait le tour, mais tu as soulevé deux points importants. Ce côté vidéo, je pense que c'est quelque chose qui va pas disparaître tout de suite. Ouais. Les gens ont besoin de voir, c'est tout bête, mais il y a quelques années, j'étais parti en camping. Le premier truc que j'ai fait, c'est regarder un tuto YouTube pour monter la tente. C'est vrai. Et moi qui fais des travaux, je te confirme que je suis à fond dans les tutos YouTube. voilà. Dernièrement, j'avais reçu un téléviseur LG pour un test, pour monter le pied. J'ai pas regardé la notice, j'ai regardé une vidéo. Donc, c'est vrai. Je pense que ça reste encore très très important, la vidéo. Les gens en ont besoin. Les gens en ont besoin littéralement pour le format tuto, par exemple. Mais ils en ont besoin aussi, par exemple, pour découvrir des produits. C'est toujours plus compliqué de décrire un produit à la voix. Ouais. Quelle image quand je parle d'un téléphone pliant avec une bulle qui avec une caméra cachée sous c'est l'écran, sûr. C'est quand même mieux de l'avoir et de le voir directement en vidéo. Donc non, je pense que ce format, enfin la vidéo a de beaux jours devant elle. Mais par contre, c'est vrai que YouTube, il y a un problème de formatage. Il y a beaucoup de vidéos qui se ressemblent. En général, les gens, ils se disent « Ah bah, ça marche, donc je vais reproduire le même format en espérant que pour moi aussi ça marche. » Et celui d'après fait la même chose. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se retrouver facilement avec des vidéos qui se ressemblent énormément. Et ça, pas que en France, dans le domaine, enfin dans l'univers anglophone, ils sont beaucoup plus et ça se voit encore plus. C'est vrai que ça peut être très vite compliqué, et on le voit pas qu'en tech, même dans le make-up, dans le divertissement, la manière de monter une vidéo, la manière de filmer, que ce soit peut-être dans le divertissement avec du très grand angle et des cuts et des zooms, je crois que c'était le joueur du grenier qui se moquait oui. Une fois par tout rapport à fait. Ça, mais des cuts et des zooms, des mèmes un peu partout, tout le temps, on a les clés, comme il disait, ce format-là, on le voit beaucoup dans le divertissement, en tech, on voit beaucoup le produit mis en avant, c'est vrai que ça peut être un frein aussi à la créativité, ça peut être aussi un boost. Moi, dans mon cas, ça a été un boost. Quand j'ai commencé YouTube, je connaissais rien en vidéo, je connaissais rien en montage. Et c'est vrai que, en regardant un peu ce que chacun faisait, pas que dans la tech, d'abord dans le vlog, dans les voyages avec Sam Calder, ensuite avec dans le tuto avec Peter McKinnon, ensuite dans la tech avec MKBHD ou alors Jonathan Morrison. C'est vrai qu'en regardant un peu chacun, enfin ce que chacun faisait, ben on arrive à voir là où on veut aller et ensuite avoir sa petite patte perso. Ben c'est sûr. Alors moi, je suis une personne d'audio, donc je vois bien le parallèle, enfin les différences même fondamentales qu'il y a entre la vidéo et l'audio. J'ai le sentiment. Alors effectivement, tu as raison. On va se livrer à l'exercice tout à l'heure et on va vous démontrer que c'est quand même un petit peu jouable de décrire des produits tech à l'audio pur, même si vous irez forcément voir la vidéo de Brandon si vous l'avez pas déjà vue. Mais il y a aussi une proximité et une forme d'intimité qu'il y a avec l'audio qu'on retrouve pas forcément en vidéo. Et pourtant, je pense que c'est ce qui permet aujourd'hui à plein de youtubeurs et de créateurs, plein je sais pas d'ailleurs, mais plusieurs, d'émerger et de croître dans leur communauté. C'est que je pense que bah typiquement ça doit être ton cas, je pense vraiment que t'as adopté des codes graphiques de YouTube qui plaisent, qui sont pas, et c'est pas du tout péjoratif, mais qui sont pas extrêmement originaux, mais qui fonctionnent très bien. Par contre, je pense que ton sourire, je pense que ta présence, ton regard, la façon dont tu parles, tes gimmicks que tu peux avoir au début et à la fin de tes vidéos, c'est aussi ça qui crée la proximité. Du coup, c'est marrant sûr. De voir que à la fois cette forme, elle lisse un peu tout le contenu et qu'en même temps, elle fait émerger ce qu'on aime le plus, quoi. C'est les gens et les sujets qui sont abordés par les gens. C'est finalement très chouette là-dessus. Tu le dis très bien, c'est vrai que dans le format audio, moi, il m'arrive par exemple de mettre des vidéos en arrière-plan, donc c'est-à-dire que je regarde pas la vidéo, j'écoute que le son, et c'est Ouais. vrai qu'il y a cette proximité. Au final, on est concentré que sur ça, et du coup, comme tu dis, ça crée un lien, ça crée une proximité. Dans la voix, on peut entendre les sourires, ou on peut entendre un petit soufflement qui peut montrer de l'agacement, etc. Et c'est vrai que c'est important aussi. C'est important aussi, et ça fonctionne. Les podcasts, ça fonctionne. Donc la vidéo, c'est pas non plus primordial, mais comme je te disais, la vidéo, pour moi, ça va pas mourir tout de suite, Bien mais sûr. ça n'empêche pas que d'autres formats comme les podcasts, la radio à l'époque, fonctionnent encore aujourd'hui. Même s'ils auront clairement pas la puissance de YouTube. Mais je sais, je reviens à ma boule de cristal de tout à l'heure. Enfin, on a vu par exemple hein, la chaîne Nota Bene avec Sébastien qui se met un petit peu en podcast. Je suis à peu près persuadé qu'il y a plusieurs personnes en vidéo qui vont étendre leur activité avec de l'audio et je serais pas étonné de te voir débarquer toi de ton côté là-dessus. Mais on verra. On verra, on verra. À l'époque, Léo Duff n'était pas aussi présent en podcast et il y est forcément venu, c'est normal. C'est Allez, vrai on va. qu'aujourd'hui, il est assez présent. Ouais, trop, c'est insupportable. Ouais. Léo, si tu nous écoutes. Allez, on va enchaîner du coup, Brandon. On va te mettre un petit peu de côté, en tout cas sur le sujet. Et évidemment, tu restes à mes côtés. Mais non, mais tu restes à mes côtés et tu vas pouvoir largement réagir. Mais on va moins parler de toi. On va plus parler de ce qui se passe dans le monde de la tech en général, avec une petite section news. On a dans un premier temps un sujet qui tourne, comme je le disais tout à l'heure, autour de la vie privée et de la lutte contre la pédopornographie telle qu'elle peut être menée par Apple, puisqu'ils ont annoncé deux choses. Alors, mettons-le clairement dès le départ sur la table. Je pense que le fait d'avoir abordé ces deux choses de manière décorrélée d'autres produits et avec les manières qu'ils ont eu de le faire, simplement avec un communiqué au départ, ça a été une des erreurs de communication d'Apple. Je sais pas pourquoi, il y a Apple qui régulièrement a des erreurs fondamentales de communication. Microsoft aussi est coutumier du fait sur certains sujets. Et là, je pense que c'est un exemple parfait. Donc, qu'est-ce qu'ils ont annoncé? En fait, ils ont annoncé deux choses qui semblent se ressembler, qui se ressemblent pas mal, mais qui dans les faits sont quand même assez différentes dans leur fonctionnement. D'une part, il y a Communication Safety dans Message, donc l'application de messages, les petits messages bleus sur iPhone qu'on s'envoie d'iOS à iOS. Donc, il y a une nouvelle fonctionnalité qui va être implémentée avec les nouvelles versions des systèmes d'exploitation qui vont arriver dans quelques semaines maintenant. C'est donc Communication Safety qui va concerner qui? Alors, c'est bien précis, hein, ça va concerner les comptes qui sont rattachés à donc des comptes famille iCloud pour tous les messages reçus ou envoyés par des mineurs. Il va y avoir une identification de contenu sensible. Donc, c'est des algorithmes hein, qui vont arriver à essayer d'identifier quand il y a des contenus sensibles qui sont envoyés en photo. Et quand c'est le cas, ben, l'utilisateur, donc l'enfant, le mineur, va avoir des messages pédagogiques d'avertissement en disant bon, cette photo par défaut elle est floutée. Est-ce que tu es sûr de vouloir la recevoir? Est-ce que tu es sûr de vouloir la voir? Quand il va l'envoyer, est-ce que tu es sûr de bien vouloir l'envoyer? Et si jamais les parents dans ce compte famille iCloud ont explicitement demandé à ce que ce soit le cas, ils peuvent avoir une notification, et cette notification, ils peuvent l'activer uniquement si l'enfant a moins de 12 ans. Donc ça fait beaucoup de si, mais c'est l'outil tel qu'il est mis à disposition des familles et des responsables légaux pour les comptes famille iCloud, donc qui concerne, comme vous l'avez vu, les mineurs, et en l'occurrence pour la notification aux parents, uniquement si les parents, les responsables légaux, ont activé explicitement cette fonction et si les enfants ont moins de 12 ans. En soi, je trouve ça déjà top. Après, on pourra parler des limites et des dérives possibles, mais bon, déjà, il y a ce premier point. Et il y a un deuxième point qui concerne là aussi l'image et qui concerne là aussi l'utilisation des images pour propager des informations pédopornographiques. C'est une détection des photos qui se fait, tenez-vous bien, parce que c'est pas forcément intuitif, mais qui concerne donc les photos que vous avez sur votre appareil si vous avez activé la synchronisation iCloud. Donc, c'est pas une vérification, c'est pas une détection qui se fait sur les serveurs d'Apple, mais c'est une détection qui se fait sur votre appareil avant qu'elle soit envoyée sur les serveurs. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle fait, cette détection? Elle a, en base de données, toute une série de d'images qui sont identifiées comme étant officiellement des images pédopornographiques qui sont identifiées par des associations, donc uniquement aux États-Unis d'ailleurs, entre parenthèses. Donc il y a le hash de ces photos, ça veut dire qu'on peut pas lire ces photos, mais comme elles sont chiffrées, il y a une empreinte numérique unique qui correspond à ces photos. Et votre iPhone va arriver à identifier quand vous avez les mêmes photos qui ont les mêmes empreintes numériques sur votre iPhone. Donc sommairement, l'iPhone est capable de voir si l'image que vous avez sur votre iPhone, qui est destiné à être synchronisé sur iCloud, ressemble trop fortement à des images qui sont identifiées par une association comme des images pédopornographiques. Et si c'est le cas, il y a une alerte qui est faite à Apple. Et Apple, sur la base d'une vérification pour le coup humaine, peut alerter les autorités. Alors forcément, ces deux sujets, ils font soulever les regards et les sourcils de tout le monde, puisqu'on a été éduqués depuis pas mal d'années maintenant en disant que nos contenus sur nos appareils chez Apple, ils restent sur nos appareils et personne ne les voit. On a notamment à l'esprit l'affaire de la tuerie de San Bernardino, où on voulait, le FBI voulait à l'époque mieux lire le contenu de l'iPhone de l'auteur de cette tuerie. Bon. En fait, dans les faits, si on regarde, les contenus restent sur l'appareil. Dans tous les cas, il n'y a absolument pas de lecture des contenus, autre que, effectivement, s'il y a un signalement des équipes chez Apple qui vérifient et qui font des signalements aux autorités. Et ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que cette détection, sur la base de cette banque d'images pédopornographiques, elle est déjà en place. Partout. Elle est déjà en place chez Dropbox, chez Google, chez Microsoft, même chez Facebook. Elle est en place sur Cloudflare. Bref, il y a énormément de services et au contraire, on pourrait avoir utilisé le mauvais argument durant ces dernières années en disant que oui, d'accord, Apple nous garde la confidentialité de nos données, mais jusqu'à laisser sur les appareils des images pédopornographiques alors qu'on voit que toute l'industrie tech maintenant les détecte. Au passage, aux États-Unis comme dans beaucoup de pays, le fait de posséder ces images est un crime et Apple est dans les faits obligé de rapporter les signalements de ces images aux autres autorité. Un petit point aussi de mise en contexte, c'est que d'après une étude canadienne, il y a 67% des enfants qui sont victimes d'abus sexuels qui le sont parce qu'il y a des traces en images. Alors évidemment, il y a la souffrance au départ et en tant que victime, mais il y a aussi l'importance du fait que ces images vivent dans le temps et à quel point ça peut évidemment les affecter. La dérive, le petit bémol qu'on peut dire, c'est OK, donc Apple est en train de mettre en place cette comparaison, mais qu'est-ce qui empêcherait le gouvernement chinois d'exiger d'Apple d'avoir une base d'images chiffrées, des et images oui. qui plaisent pas au gouvernement chinois et de faire des signalements au gouvernement chinois à chaque fois qu'il y a ces images sur les appareils. Alors c'est effectivement une limite théorique. C'est pas du tout, enfin ça reste interne à Apple, donc les critères sont définis par Apple et forcément ils peuvent être amenés sans qu'on le sache. Exactement. À être changé. Et ça, c'est effectivement, comme tu le soulèves, c'est une dérive possible, même si c'est une des dérives possibles qui est identifiée. Voilà. Après, moi, j'ai quand même maintenant réussi à intégrer que je peux plus faire de procès d'intention, ou en tout cas, enfin, bien sûr, on peut faire des procès d'intention à des personnes malveillantes qui ont. Mais je pense que pour certaines marques, certains acteurs de l'industrie de la tech, j'ai du mal à leur faire des procès d'intention. Un Facebook, par exemple, sur certains sujets, je pourrais facilement leur faire des procès d'intention. Mmh. Apple, j'ai plus de mal et j'ai la naïveté de penser qu'ils se mettent au contraire à niveau là où leurs concurrents font déjà une partie du boulot. Où ils le font peut-être même mieux que d'autres, avec de moins bonnes communications, on le voit, hein, ils sont la cible de critiques, mais j'ai la naïveté de penser qu'effectivement, de les croire quand ils disent « non, notre système n'aura pas pour vocation d'être adapté pour les exigences des gouvernements, et on ne fonctionne qu'avec une association aux États-Unis sur ce sujet-là en particulier. » C'est ce qu'on espère au moins, parce que c'est vrai qu'on avait entendu qu'Apple s'était un petit peu plié aux exigences du gouvernement chinois. Tout à fait. Je ne sais plus X raisons. Les apps, notamment à l'App Store. Voilà. Ça m'était sorti de la tête. Mais voilà. On sait que c'est des choses possibles et c'est là où ça fait peur. On sait qu'Apple n'est pas du genre à faire ça, surtout pas sur son fer de lance. C'est super important la vie privée pour Apple. Donc je doute qu'il fasse ça. Mais on a toujours un petit peu cette crainte. Nos données, elles sont à nous, mais elles sont pas qu'à nous. Et si une marque aussi puissante décide de faire quelque chose de mal, à quoi on pourra recourir, quoi? Ouais, effectivement. Mais c'est aussi, quelque part, on peut se satisfaire du fait qu'il y ait autant de vigilance. Et Edward Snowden, par exemple, a pris la parole, hein, sur le sujet en disant que, bon, pour lui, c'était pas bien ce qui se passait. Mais effectivement, moi, je trouve ça vachement bien qu'il y ait des vents de réaction qui continuent à défendre des principes qui sont assez forts en tech et pour les usages personnels. En même temps, je pense vraiment que sur ce sujet spécifiquement, il y a beaucoup de confusion. On mélange déjà les deux outils qui ont été présentés. C'est de la faute d'Apple, hein. Ils ont été obligés d'ailleurs d'apporter une FAQ pour éclairer les choses. L'information est quand même mal amenée, elle n'est pas associée à beaucoup de pédagogie, et je pense qu'il y a beaucoup de réinterprétation de la part du grand public et d'une partie des journalistes, mais bon. Autre sujet dans les news qui va, bon, pour le coup, te toucher plus directement, et tu vas peut-être pouvoir je voulais déjà te remercier parce que le sujet, j'avais pas suivi du tout, donc merci à toi de l'avoir expliqué. C'était très intéressant. Et comme tu soulèves, après, c'est le problème aujourd'hui d'Internet, c'est que souvent, il faut faire des clics plus que de l'information. Exactement. Et voilà. Mais c'est tellement plus facile, effectivement, d'écrire un article en disant « Apple commence à regarder vos contenus avec des nouvelles fonctionnalités » que d'apporter de la pédagogie qui prend du temps et de remettre des choses dans leur contexte. Encore une fois, il y a des sites qui le font très, très bien. Il y en a d'autres qui cherchent ouvertement à avoir des clics et à apparaître en premier dans Google News pour faire du trafic. Bon, bref, voilà, c'est une des dérives du média. Donc oui, on va, pour terminer cet épisode, parler de nos petits chouchous du moment. Donc le Samsung Galaxy Z Flip et le Z Fold de 2021. Yes. Alors, il y avait quand même beaucoup de choses qui avaient été identifiées avant les annonces officielles qui ont eu lieu hier, le 11 août. Donc, ces nouvelles générations d'appareils pliants, smartphones Android. Alors que les ventes d'ailleurs du S21, hein, au passage, sont a priori assez décevantes pour Samsung, même par rapport au S20. Et donc, ils essayent de mettre en place une nouvelle génération. Il n'y a pas de Note, ils l'ont confirmé d'ailleurs, on s'en doutait qu'il n'y aurait pas de Samsung Galaxy Note. Bon, j'ai presque envie de te laisser la parole, Brandon, pour, d'une part, que tu nous dises ce que tu penses de ces produits et probablement aussi pour donner envie aux auditeurs d'aller jeter un coup d'œil à ta vidéo où tu as déjà fait une prise en main. Bon, t'en penses quoi et c'est quoi les éléments qu'on doit retenir sur ces deux smartphones? Alors, comme tu l'as dit, déjà, ce sont deux produits que j'ai pu prendre en main dans les locaux de Samsung il y a quelques jours. Là, on est vraiment dans l'itération. Pour moi, il y a 3-4 nouveautés, dont une très très importante. Je vais vous les citer, mais voilà. D'un côté, on a un petit peu ce format Z Flip, donc le téléphone à clapet, qui à terme pourrait peut-être déloger les Galaxy S, on verra. Mais voilà, c'est ce format un petit peu plus classique où il y a eu des améliorations, notamment au niveau de l'écran interne. On passe d'un écran 60 à 120 Hz. L'écran externe a été agrandi. Donc ouais, ça, c'était une bonne chose parce que c'était une petite critique qu'on avait sur la génération précédente. On n'avait même pas le temps de lire une notification. Si on voulait lire un message, l'écran s'éteignait avant que le message soit fini. Donc, pas très pratique. Donc ça, Samsung l'a compris et l'a amélioré. Donc ça, ce sont les deux nouveautés côté Z Flip. Au-delà de la résistance à l'eau, qui est c'est la première fois qu'il y a de la résistance à l'eau sur des smartphones pliants et qui sont un petit peu plus costauds avec du Gorilla Glass Victus. Et puis de l'autre, on a le Fold, le truc que tout le monde attendait, c'était forcément le support du stylet, parce que c'est vrai qu'avec un stylet, on peut faire plein de choses, prendre des notes manuscrites, retoucher ses photos plus précisément, signer des contrats. Et quand on sait que le Fold, c'est un peu l'outil portable ultime pour la productivité, avant c'était le Galaxy Note qui n'est plus malheureusement, en tout cas pour l'instant, maintenant c'est le Fold, du coup ça tombe à pic un petit peu ce support du stylet pour les gens qui avaient adoré le Z Fold 2 comme moi et qui voulaient pousser un petit peu cet aspect productivité un peu plus loin. Il y a aussi la caméra sous l'écran qui a été proposée sur le Fold, donc c'est-à-dire une caméra qui est vraiment cachée sous l'écran avec une zone avec une densité de pixels un peu moindre pour laisser passer de lumière dans le capteur et pour qu'on puisse faire des visioconférences et prendre des photos selfie. C'est semi-réussi. C'est sur la vidéo, ça donne l'impression qu'il y a une petite goutte d'eau. Tu sais, les gouttes d'eau qui font que ça fait un peu loupe et on la voit un peu. C'est semi-réussi. En vidéo, c'est un petit peu plus dur de le montrer. Ouais. Parce que il y a toutes les lois de la vidéo, shutter speed, etc. Donc forcément, il y a des altérations à l'image. En vrai, ça fait c'est même plus visible qu'en vidéo. Sur notamment sur fond blanc, on voit vraiment un espèce de quadrillage noir sur fond blanc au final, et c'est beaucoup plus visible. Après, pour une utilisation normale, classique, regarder des vidéos, etc. Ça se voit pas tant que ça en vrai. Hein. C'est assez, on l'oublie. Moi, j'imagine que si on oublie un menton, là, un notch sur un smartphone, on doit oublier encore plus une petite pastille de ce type, sans doute. Mais bon. C'est exactement ce que j'ai dans ma vidéo, c'est que au même titre que la bulle dans l'écran qu'on peut avoir sur soit un petit téléphone ou un grand téléphone comme le Fold, au final, quand on regarde une vidéo en mode paysage ou quand on navigue sur son téléphone, on regarde pas précisément ce point-là. En général, on regarde le centre et le reste se fait oublier. Mais moi, il y a une annonce qui m'a vraiment, vraiment, vraiment marqué et je pense que c'est l'annonce la plus importante et je pense pas que les gens s'en rendent compte. C'est le prix. Ouais. C'est qu'il y a eu des baisses significatives sur chacun des formats. Donc, il y a moins 220 € sur le Fold et moins 500 € sur le Flip. Ouais. Donc, le prix, il a perdu un tiers comme ça. Et on arrive donc à des prix respectivement de 1799 et 1059 €. Ce qui montre une volonté au final de la part de Samsung de populariser ses smartphones clients, le Flip étant un petit peu le porte-étendard de cette technologie du pliable, visant à conquérir un petit peu le grand public. Perso, à 1059 €, je sais pas pour toi, hein, mais moi j'y réfléchis à deux fois avant de prendre un S21+. Ouais, bah tout à fait, ouais. Bien sûr. Et je pense que c'est un petit peu cette réflexion que Samsung veut créer chez le consommateur pour qu'il se dise bon, allez, on va tester, pourquoi pas, c'est au même prix qu'un téléphone classique pour des perfs similaires, en espérant qu'au final son expérience soit positive et que ce consommateur recommande les produits pliants autour de lui. Comme tu l'as dit, je pense pas que cette baisse de prix soit anodine. Les S21 se vendent mal. Je crois qu'on parle de deux fois moins par rapport à la série S10. Donc, je pense que Samsung, la sonnette d'alarme commence un petit peu à sonner là en ce moment. Ouais. Et quand on voit qu'à l'époque, je parle d'il y a 4-5 ans, la concurrence haut de gamme se résumait à du Apple et Samsung. Et puis dès qu'on baissait en tarif, bah forcément, on avait des téléphones beaucoup moins bons. Aujourd'hui, on a des marques comme Xiaomi qui proposent des smartphones avec un excellent rapport qualité-prix, que ce soit dans la gamme des 200, 400, 500, même 600 €, et qui grappillent un petit peu les parts de marché de Samsung. Et les gens, ils se disent au final, pourquoi je vais payer mon téléphone 800-900 € un petit peu bas de gamme, type S21 en plastique, alors que je pourrais avoir un très bon téléphone à 600 €. Je pense que c'est surtout ça qui fait mal à Samsung aujourd'hui et qui fait que les ventes des S21 sont pas top et que aujourd'hui, il est peut-être amené à réfléchir à quitter un petit peu cette politique tarifaire élitiste et baisser ses prix dans des gammes supérieures comme les pliants. Mais c'est vrai que ils ont probablement des signaux d'alerte parce que il y a quand même énormément de concurrence maintenant et notamment Xiaomi qui déverse en termes de parts de marché pas mal de produits qui grignotent, donc il faut qu'ils se différencient. Leur savoir-faire clairement c'est en train de devenir le pliant pertinent, le pliant qu'on peut utiliser au quotidien. D'ailleurs, j'ai deux questions spécifiquement sur les appareils que tu as pris en compte. La première question, c'est sur le Fold avec le stylo. Est-ce que la rainure qu'on peut voir en fonction de l'angle de prise de vue retient un petit peu le S Pen, le Samsung Galaxy S Pen? Est-ce que en gros, si je trace une ligne de droite perpendiculaire au stylo à la pliure, est-ce que à un moment le stylo va être un peu dévié par la pliure, ou est-ce qu'elle est juste visible en vidéo et qu'elle n'influe pas à la texture? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire en termes de. Non, mais tout à fait. Dans tous les cas, c'est un petit peu plus renfoncé au niveau du centre, donc forcément. C'est là où la partie logicielle va devoir corriger, prendre les choses en compte. Je pense notamment à des outils comme Note ou même certaines applis. Hein. Quand on trace une ligne, bah, elle peut te la transformer en ligne complètement droite. Je pense que c'est là où toute cette partie logicielle va être importante parce qu'on reste quand même sur un stylet moins bon que celui d'un Galaxy Note, par exemple. parce qu'il y a moins de pression par rapport à l'écran pour éviter justement de l'abîmer. Ouais. On reste quand même une espèce de rainure au milieu qui va forcément dévier le stylet. Je pense que c'est pas vraiment un outil, par exemple, pour des dessinateurs ou quoi que ce soit. Ouais. Ça sera vraiment pour la prise de notes rapide, Les schémas, écrire, du texte. gribouiller, etc. Et voilà, exactement, des schémas, du texte, et voilà. Mais ça donne envie, hein. C'est clair que ça donne envie, je trouve, au Ah, mais moins de clairement. tester. Et l'autre question que j'avais, c'était sur le flip. Un des messages qu'on voit ressortir dans des sites d'actu qui relayent les annonces de ces deux produits, c'est de dire, ah, enfin, le flip, c'est un smartphone qui peut se mettre plus facilement dans les poches. J'ai quand même des doutes, j'ai l'impression qu'il reste épais. Certes, une fois refermé, il a un volume relativement compact avec le petit carré qu'il forme, mais est-ce qu'on peut le glisser dans une poche plus facilement que les smartphones avant, Brandon? Alors ça se glisse super facilement, surtout que quand on prend en compte en fait la taille d'un écran de 6,7 pouces, Oui. en général déjà c'est un petit peu plus épais que le flip. Au final, la plupart du temps il dépasse de la poche, donc c'est pas confort. On a toujours l'impression qu'on va se le faire arracher, on a toujours l'impression qu'il va tomber quand on est assis. Là c'est pas le cas avec le flip. J'avais utilisé le Z Flip premier du nom, même pas 5G, pendant quelques semaines. Et c'est beaucoup plus confort, c'est beaucoup plus transportable, même dans les OK. mains. Quand il est refermé, c'est tout mignon, Ouais. c'est juste un format vraiment adorable. Donc je pense que oui, c'est plus confort quand même pour les poches, c'est plus confort pour les sacs à main, pour les femmes, c'est plus confort pour leurs petites poches aussi. Malheureusement, on va pas faire Ouais. des poches plus grandes. Après moi, comme je t'ai dit, c'est d'ailleurs pour ça que je suis allé sur des formats compacts. J'ai un iPhone 12 mini qui est tout minuscule aussi, et se glisse facilement, mais c'est pas vers ça que les gens se dirigent. Ils se dirigent vers des OnePlus 9 Pro, des Galaxy S21 Ultra, des iPhone 12 Pro Max. Et là, quand on compare le Z Flip à ça, il n'y a pas photo. Les Voilà. performances photo de ce que tu en as vu? De ce que j'en ai vu, j'ai pas trop vu parce que c'est vrai qu'on n'est pas dans des conditions où on Ouais, peut peut tester pas faire des tests photos en avec. bonne et due forme. Et surtout comparer, là, je m'avance pas, mais du côté matériel, on reste sur la même chose quasiment que les années précédentes, donc qualité un peu S10 Plus d'il y a 2 ans. Là où ça va être intéressant, c'est côté software pour voir, parce qu'on sait très bien par exemple que Google a gardé le même matos pendant des années et pourtant Ouais. la qualité photo est top. Mais c'est vrai que d'un Pixel 3 à un Pixel 5, la différence, on la voit pas forcément. Donc j'ai peur qu'on ait un petit peu ce même truc avec Samsung, et je trouve ça dommage pour un produit comme le Fold, qui est quand même la vitrine technologique de Samsung, qui coûte cher, 1 800 euros, de pas avoir les meilleures performances photo comme on peut avoir sur un S21 Ultra qui est tout simplement excellent. Ouais, bien sûr. Mais j'imagine que c'est peut-être un des arguments, enfin une des contreparties de cette grosse avancée en termes d'économie tarifaire. Il est peut-être difficile de concentrer les prix et en même temps d'offrir des performances photo de dingue compte tenu de cette techno. Il y a encore besoin sans doute d'un petit peu de maturation pour que les économies se fassent. Concrètement, c'est des appareils que tu peux là conseiller pour qui alors a le budget et souhaite tenter le pliant. Tu penses c'est pas un produit qui va revenir dans le tiroir au bout de 6 mois parce qu'il aura perdu de sa viabilité, pardon. Alors, l'année dernière, je recommandais déjà le Fold 2. Ok, ouais. À partir du, en fait, je parle du principe qu'à partir du moment où j'achète un téléphone moi-même, c'est que je peux le recommander. Pas parce que Ouais. j'ai les moyens, mais parce que j'y crois. Donc, le Fold, j'y crois, et toutes les personnes qui m'ont fait confiance ont été satisfaites. Là, il y a 200 euros de moins, un stylet en plus. Je pense que je peux dire que je le recommande au quotidien pour les gens qui ont besoin d'un produit pour la productivité, qui veulent peut-être pas se trimballer avec un iPad, qui vont pouvoir tout faire quasiment sur leur téléphone. Je peux recommander. Le Z Flip, par contre, à 1 500 euros, c'est vrai que c'était un petit peu cher. Aujourd'hui, à 1 059 euros, comme je t'ai dit tout à l'heure, entre un S21 Plus et un Z Flip, je pense que je partirais sur la folie, sur le côté un petit peu kiffant, et je prendrai le Z Flip. Donc aujourd'hui, oui, ce sont deux produits sans les avoir testés, hein, mais j'avais déjà confiance en Z Fold. Et le flip, pour moi, le frein, c'était le prix. Sur le papier, c'est deux produits que je peux recommander, oui. Ok, merci beaucoup. Bon, de toute façon, si vous voulez le voir en image, vous savez où aller, hein. Il faut aller bah oui. sur YouTube, sur la chaîne de Brandon. Et de toute façon, le lien sera dans les notes de l'émission. Bah écoute, merci infiniment, Brandon, de m'avoir accompagné pour cet épisode estival. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? C'est quoi tes prochains grands objectifs et comment est-ce qu'on peut te suivre à ce sujet-là, du coup? Alors, les grands objectifs perso, ça serait trouver une maison. Ça, ah, ça très cool. Bon, ça. Mmh. Trouver une maison, acheter ma première voiture, et sinon, bah forcément sur la chaîne, c'est plein d'abonnements, plein de vues, plein de nouvelles personnes avec qui discuter sur les réseaux sociaux, et pourquoi pas trouver le temps pour lancer un petit Twitch ou un podcast, c'est très sympa. Ah bah, je t'avoue, c'était une belle découverte, donc je te remercie pour cette invitation. C'était vraiment cool. J'appréhendais un peu et je suis vraiment satisfait de la manière dont t'as pu amener les choses et comment tu les as traitées. Donc et puis merci pour cet accueil, vraiment. Eh ben écoute, merci infiniment, ça me fait très plaisir, moi qui suis en plus ta chaîne, effectivement je trouve la signature de tes vidéos et la bienveillance qui en ressort est assez chouette, j'aime beaucoup. Merci beaucoup de ta dispo. De votre côté, vous les auditeurs, je compte sur vous évidemment pour vous abonner au podcast si vous n'étiez pas déjà abonné. Tech Café, vous pouvez apporter votre petit commentaire sur techcafé.fr. Vous avez aussi dans les notes de l'épisode le lien vers le serveur Discord, vous pouvez discuter entre vous et avec nous de tous les sujets, pas que de la tech d'ailleurs. Et puis si jamais vous aimez le format Tech Café, si jamais ça vous apporte une info que vous trouvez pas ailleurs, vous trouvez traitée de manière pertinente et que vous passez tout simplement des bons moments en matière de divertissement, je vous encourage à jeter un coup d'œil à la page Patreon, patreon.com/techcafé, de contribuer. En gros, c'est le tarif, on va dire, d'un café par épisode, et en plus ça vous protège de la publicité, vous n'écoutez plus aucune campagne de publicité grâce au flux privé sur Patreon. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci beaucoup de votre fidélité. On se dit rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous et ciao Brandon. Merci beaucoup encore. Bye bye. Peace.